La course vers la mort. Depuis 12 heures déjà, le cutter avait quitté l'Anse de Primel. Il prenait maintenant sa course droit devant lui vers la haute mer, après avoir une partie de la journée louvoyé et couru débordé en vue de la France. Mais la mer était si grosse, le vent si violent, que pas un autre bâtiment n'avait osé se risquer dans ces parages dangereux, et qu'il avait fallu à l'équipage du Penbase et à ses chefs leur parfaite connaissance des fonds, des roches et des îles, pour qu'il n'allât pas se briser sur quelque écueil ou se perdre à la côte. Si nous continuons encore quelque temps, nous ne tarderons pas à apercevoir les côtes d'Angleterre, affirma Jan Postek, autour duquel se trouvaient groupés le maître d'équipage, le second maître et le quartier maître. Plymouth, que c'est, juste en face, déclara Tanguy. Est-ce que c'est que nous allons aller à nous seuls attaquer et bombarder leur port ? Demanda Kéribin en riant. « Moi, je veux bien, j'en suis toujours, mais il y aura de la casse parmi nous, bien sûr. »« Dame, » reprit Postek, « il n'y a pas si longtemps que Lantoc et moi nous causions du commandant et de ce qu'il était autrefois et de la prudence qu'il semblait avoir acquise. Tenez, le jour même de l'affaire avec la corvette, vous souvenez-vous ? » ?»« Si on se souvient, » reprit Kéribin, « on a eu tant de peine à ne pas crocher dedans cette grande escogriffe. » Ah, je crois que si c'était à recommencer, il n'y aurait plus d'hésitation. Le voilà toré peine plus que jamais. Possible, intervint Lantoc. Mais tout de même, je l'aimais mieux notre commandant comme il était devenu que comme je le vois aujourd'hui. C'est pas naturel, cette transformation subite. Et en lui-même, le vieux maître d'équipage grommela. Il y a du chagrin, c'est sûr, et voilà pourquoi il se lance à l'aventure, en vrai désespéré. Ah! Ce n'est pas la corvette anglaise qui l'occupe et lui tient au cœur. C'est l'autre corvette, la belle petite pimpante qui est ancrée à Pougaznou. Il se donna une bourrade en secouant sa pipe. Allons, vieux Lantoc, c'est ta faute aussi, avec ta sacrée idée d'avoir été rechercher cette vieille Tinaïque Cornou. Sorcière ou non, c'est depuis qu'il l'a vue qu'il est malheureux. Et quand je songe que c'est moi qui donnerais si volontiers ma vieille peau pour lui, qui suis cause, je ne suis donc plus bon à rien. Ce qui navrait particulièrement le marin, c'est que son chef ne s'était jamais montré plus tendre, plus affectueux pour lui que depuis qu'il était sous le poids de cette visible douleur. En même temps, il lui avait ordonné de garder pour lui seul la révélation qu'il lui avait faite au sujet de sa naissance et de son véritable nom. Il désirait continuer à vivre dans le même mystère que par le passé, tout au moins pour le moment. Tinaïque Cornou lui avait également promis de n'en parler à personne, et Thor Heppen était assez sûr que ni Anne ni son père ne raconteraient à personne ce qui s'était passé. Depuis que son bateau avait pris le large, il n'avait presque pas paru sur le pont, sauf dans les moments indispensables. Renfermé dans sa cabine, il ressassait ses pensées, essayait de reprendre courage, d'espérer comme le lui avait dit Anne Guiznou lorsqu'il l'avait quitté. Mais c'était en vain. Le désespoir revenait plus fort, le poussant aux résolutions farouches. Puisqu'on le repoussait, il ferait voir à quel point on l'avait méconnu, en accomplissant quelque folie qui forcerait l'attention et l'admiration. Peut-être Pierre-Marie Guiznou finirait-il par céder, par pardonner. Ou bien, s'il ne voulait pas, si Anne Guiznou était à jamais séparée de lui, il ne lui restait plus qu'à disparaître aussi glorieusement que possible. Au moins, son nom restait à côté de celui des grands corsaires, et le vieux pêcheur de Plougaznou serait forcé de reconnaître que si le père avait manqué à la tradition de la famille, lui, Guy Guiznou, avait relevé ce nom et qu'il l'avait fait synonyme de gloire et d'héroïsme. À mesure que les heures passaient l'une après l'autre, lourdes, lentes, monotones, à force de retourner sans cesse ses pensées dans sa tête enfiévrée, c'était cette résolution qui s'implantait chaque instant davantage au plus profond de son être, le poussant à quelque acte de désespoir sublime, à quelque folie prodigieuse. Malgré les douces paroles d'espoir qu'Anne avait versées dans son cœur comme un baume bienfaisant, la marée montante de l'infinie désespérance se faisait plus puissante, grondait en lui farouche, effaçant tout, noyant tout, prenant possession exclusive de son être tout entier, laissant battre ses artères, jetant son cerveau à la démence. Le souci de la vie des marins placés sous ses ordres, la mission donnée par le comte de Tromelin, celle plus haute encore qu'imposait à son patriotisme les dangers formidables qui étreignaient la France en péril, Tout cela disparut dans le tourbillon fou qui le précipitait à un suicide retentissant. Anne, perdue pour lui, perdue à jamais à cause de cette ineffaçable haine de famille, il ne voyait plus que cela. Des mots hachés sortaient de sa bouche. « Anne, ma petite Anne, c'est la fin de tout pour nous. Père, père, je t'entends, tu m'appelles du fond de ta tombe. Fils du maudit, maudit moi-même, je te rejoins, attends-moi, je t'obéis. Elle aussi, elle obéit, elle qui est une reine pourtant, reine en sabots comme ils disent. Elle obéit à son père, qui t'a maudit, toi, et qui m'a maudit moi aussi, qui me rejette à toi, à la mort. » Un rire sauvage s'étrangla dans sa gorge. Il a dit, « Il est sorti de la mer qu'il y rentre pour toujours. Eh bien, je vais rentrer, oui, pour toujours. Mais ce nom de malédiction qu'il m'a jeté comme une injure, j'en veux refaire un nom de gloire qui lave les souillures du passé. Ce n'est pas seulement tort et peine qui va disparaître. C'est aussi Guiguiznou, le fils du maudit, soit, mais le descendant des seigneurs d'autrefois. Et il lui faut à celui-là des funérailles de seigneurs bretons, des funérailles de sang et de massacre qui fassent dire aux gens de là-bas « C'était bien, Guiguiznou, et dont Anne ?» Un sanglot brisa sa voix, et sa phrase se termina en un appel désespéré l'abattant, sa tête dans ses mains, les deux coudes sur la table. « Anne, Anne, ma petite reine, ma douce des douces !» Au dehors, un cri résonna. « Voile par tribord avant !» D'un bond, le corsaire fut debout et se précipita sur le pont en lançant cette exclamation de joie farouche. « Enfin, si c'est la mort, tant mieux !» Le cutter, sous moyenne allure, avait continué sa même route, se rapprochant sans cesse des côtes d'Angleterre, et l'œil perçant de Tanguy venait enfin de découvrir ce que tous cherchaient depuis de si longues heures, une voile. Elle apparaissait encore indécise à l'horizon, masqué à tout instant par les hautes lames au milieu desquelles le Penbaz se frayait son chemin. D'un regard inquiet, Lantoc scruta la physionomie de Thor Heypen, qu'il allait chercher dans sa cabine au moment précis où apparut le jeune commandant, et il fronça toutes les rides de son visage tanné en constatant l'état d'exaltation que révélait l'expression des traits du corsaire. N'en augurant rien de bon, le maître d'équipage questionna pour se mieux renseigner. « J'allais vous prévenir, mon commandant. Qu'est-ce qu'il faut faire, à cette heure, si rapprochés que nous sommes du pays des Saozon ?»« Mais courir dessus, mon vieux Lantoc, et à pleine vitesse encore !»« Même si ce serait des foins plus forts que nous ?» continua Lantoc avec une insistance voulue. Les regards des deux hommes se croisèrent avec une fixité aiguë que chacun lut jusqu'au fond de la pensée de l'autre, et Thor Heypen, haussant volontairement la voix, lança avec une âpreté joyeuse. « Surtout si c'est un plus fort que nous, et toutes les épines dehors pour la circonstance, mon brave Lantoc !» Le coup de sifflet perçant du maître fut la seule réponse, et aussitôt le cutter se couvrant de toile, força de vitesse sous toute sa voilure déployée, grand voile, grand foc, trinquette, petit foc tendu à la brise. « Branle-bas de combat !» commanda d'une voix tonnante Thor Heypen dont les yeux étincelaient. Postek et Tanguy se regardèrent. Il avait raison tout à l'heure, Kéribin. Plus Thor Heypen que jamais, fit le premier. Tu peux le dire, Postek, mais quand même, je ne lui ai jamais vu cette figure-là, répliqua Tanguy. Plus brusque, plus rageur encore que de coutume, en faisant à part lui la même réflexion, Pierrick Lantoc bousculait ses hommes en grondant sourdement des choses que personne n'entendait, lorsque la voix de la vigie tombant de nouveau de la hune vint donner un renseignement précis. Le bâtiment en vue se dessinant plus nettement. « Bride de vin, au vent à nous, bâbord à mur, cap sur nous, il nous a vus !» Aucun doute n'était plus possible. Le Penbaz, au lieu de rencontrer quelques gros marchands, tombait sur un croiseur sortant évidemment de Plymouth pour venir prendre son poste de garde sur les côtes de France. Promptement, Lantoc escalada les enfléchures. « Un bride de vin, ça compte, le morceau est de taille, » fit Kéribin. « Dame, oui, » reprit Tanguy. « Ça mesure 34 mètres, ces oiseaux-là, et ça porte 18 caronades de 24. Sans compter 2 jolis canons de 18 qui causent de plus loin que nos caronades, » ajouta Postek. « 18 et 2 font 20, avec un bordage plus élevé que nous sur l'eau, une voilure autrement forte et un équipage en nombre. Voilà de quoi rendre la conversation sérieusement animée, » déclara Tanguy. « Nous ne risquons rien d'ouvrir l'œil et le bon. »« Bah !» termina Kéribin, en s'assurant que son sabre à large coquille de métal protégeant la main et le poignet jouait bien librement dans son fourreau de cuir, on a mordu, broyé, digéré des morceaux autrement gros que cela dans la mer des Indes, et tu peux être sûr que si Thor et Pen courent dessus de ce train-là, c'est qu'il sait ce qu'il fait, où il va et ce qu'il veut. » Lantok, son inspection de l'ennemi terminée, un coup d'œil rapide jeté à la mâture du cutter dégringolait rapidement de la hune. Il entendit les derniers mots de Kéribin et tout en se dirigeant vers le commandant gronda. « ce qu'il veut, je m'en doute, moi. Il veut envoyer son chagrin par le fond et lui avec. Sacré imbécile de Lantok, c'est de ta faute tout cela avec tes idées et ta vieille Tinaïque et toutes ces lubies de l'autre monde. Bête brute, va. Si t'aurais pas mieux fait de te tenir tranquille une bonne fois. » Arrivé devant Thor et Pen, le maître lui fit son rapport qui amena une singulière flamme de joie sur les traits du corsaire. Mes enfants, cria-t-il à l'équipage, il y a assez longtemps que ces maudits Saozon nous font surveiller par leurs bâtiments de guerre sans pouvoir nous mettre le grappin dessus. Il y a assez longtemps que nous trompons leurs croiseurs et que nous raflons à leur barbe leurs bâtiments de commerce. Ils finiraient par croire que nous ne sommes bons qu'à prendre les gens sans défense et que leurs morceaux de fonte nous font peur. Montrons-leur une bonne fois que nous ne faisons que ce qu'il nous plaît et que si nous avons laissé en pagaille la corvette de l'autre jour, c'est uniquement parce que nous avions des choses plus pressées à faire. Voilà un de leurs briques de guerre qui vient sur nous. Le Penbaz marche mieux que lui. Nous pourrions le berner à notre aise et rallier la côte sans combat. Il n'y aurait pas de déshonneur puisqu'il est plus fort que nous. Mais c'est justement pour cela que nous allons lui courir dessus, acceptant le combat de notre plein gré. Et je compte sur vous pour prouver à ceux d'Angleterre que le Penbaz n'a pas volé son nom et qu'il cogne aussi dur que les bâtons de Bretagne dont leurs crânes connaissent le poids depuis longtemps. Pas vrai, mes gars ? Une immense acclamation roula sur le pont du cutter, mousqueton, hache et sabre brandis à bout de bras par les marins enthousiasmés. « Vive la France ! Vive la Bretagne ! Vive Thor et Pen !» À ce dernier cri, le jeune commandant fit un geste de protestation. « Non, non, je ne suis plus Thor et Pen, le sans-nom, le sans-famille. J'ai retrouvé mon nom et ma race à Saint-Jean-du-Doigt, et je tiens à ce que vous, les gars du pays de Plougasnou, vous sachiez désormais sous les ordres de qui vous combattez. Je suis Guy Guiznou, vous entendez bien tous ? Guy Guiznou, le fils d'Antoine Guiznou, le fils du maudit, mais aussi le descendant de vos seigneurs, qui, s'il a prouvé jusqu'à présent qu'il était digne de ce nom qu'il ignorait, espère le prouver mieux encore aujourd'hui. » À ces paroles inattendues, un étonnement se fit jour dans l'équipage, tandis que Lantok grommelait furieux contre lui-même. « Là, ça y est, j'en étais sûr, c'est bien ce que je craignais. » Mais si rien dans cette nouvelle ne pouvait froisser les anciens marins du bord, les nouveaux engagés, ceux de Plougasnou, étaient de trop jeunes gens, trop peu âgés pour avoir assisté aux événements de la Révolution avec une pleine conscience, et il ne pouvait y avoir chez eux, au nom du maudit, l'éveil d'une haine pareille à celle de Pierre-Marie Guiznou. Par contre, il y avait une violente affection pour le corsaire et un culte à toute épreuve pour Anne, la personnification la plus exquise de la famille Guiznou. Aussi, la déclaration du capitaine n'entama-t-elle point le dévouement que tous lui avaient voué, donnant raison aux prédictions de Tinaïque Cornou, et ce furent les trois frères d'Anne qui se montrèrent les plus exubérants, l'aîné Alain s'écriant « Notre cousin, lui, a par exemple, vive Guy Guiznou !» Et l'équipage entier répéta ce cri en associant les deux noms pour lui inséparables du commandant. « Vive Thor et Pen, vive Guy Guiznou !» La réponse à cette exclamation vint de la mer, et ce fut le bâtiment ennemi qui la fit. Les deux navires, pendant ce temps, s'étant considérablement rapprochés, un coup de canon résonna brutal, et un boulet vint tomber à 200 mètres du cutter, faisant jaillir une haute gerbe d'écume, tandis qu'à la corne du brick se déroulait le pavillon anglais. « Ça y est !» cria Kéribin. « Voilà l'invitation à la danse !» « Le bal va être animé, si j'en juge, par les dimensions de notre vis-à-vis, » ricana Postec. Des plaisanteries coururent parmi les matelots du cutter. Le sifflet de Lantok déchira l'air. « Chacun à son poste et silence partout !» gronda le maître d'équipage. « Commandant, nous sommes parés !» Le brick anglais approchait. Ayant l'avantage du vent, marchant grand large, sous toute sa voilure, ses huniers largement gonflés par la brise, il semblait fondre comme un oiseau de proie sur le cutter qui marchait au plus près, allure excellente qui lui permettait de déployer ses qualités manœuvrières. Avec sa taille courte, large du milieu et de l'avant, étroite de l'arrière, l'étambot bien assis dans l'eau, Le Penbaz semblait un lutteur ramassant toute sa musculature pour repousser un bloc menaçant. Un silence de mort régnait à son bord. Tout l'équipage bien abrité, boutefeux allumés, Thor et Pen observaient la manœuvre de son adversaire. Il commanda. « Les pièces de bâbord en belle, pointez à démater. Il faut parler les premiers et commencer par lui casser les ailes. » Les caronades furent mises droit au milieu des sabords et les pointeurs se penchèrent sur la culasse pour assurer leur ligne de mire. Les deux navires arrivaient à portée de pistolet. « Laisse arriver en grand, bâbord, feu !» Pivotant sur lui-même, le Penbaz s'abattit sur le tribord, déployant fièrement les trois couleurs et démasquant ses sept caronades qui, l'une après l'autre, crachèrent leurs boulets. Le petit hunier, le mât de misaine, le grand perroquet et la vergue de l'anglais s'ébranlèrent sous la rafale et au septième coup, la hune de misaine et les hautes voiles s'abattirent à la fois, masquant en partie la batterie bâbord de l'ennemi. C'était la pièce servie par Paul Kerguelen et Sylvestre Poulsic, qui venaient de faire ce coup de maître, salué par les unanimes acclamations des Français. L'avarie était grave. Elle n'empêcha pas l'Anglais de lâcher la décharge de cinq caronades, dont la mitraille balaya le pont du Cutter, tuant quatre hommes et arrachant le petit foc et son gréement. Servi par son nombreux équipage et de bonne qualité nautique, le brick anglais manœuvrait bien lui aussi. Il le prouva malgré son avarie. Les deux navires ayant terminé leur évolution revenaient l'un sur l'autre et l'intention évidente de l'Anglais se montra. Il savait à qui il avait affaire et voulait écraser le corsaire à l'abordage sous le poids du nombre. « Les Bretons abordent mais ne se laissent pas aborder !» cria Thor et Pen. « À coups les bas, mes gars !» La bataille prit un acharnement furieux. La barre aux mains de fer de l'Antoc, le Penbaz devenait un véritable être vivant, d'une souplesse et d'une agilité merveilleuses, qui se dérobait toujours à l'étreinte de son ennemi. Les 14 caronades faisaient rage. 5 fois l'Anglais vint bord à bord. 5 fois il dut plier sous l'avalanche de fer et de feu, vomi à bout portant. Mais ces 18 caronades, ces deux canons de 18, causaient de véritables ravages. Les rangs de l'équipage français s'éclaircissaient. Des morts, des blessés jonchaient le pont parmi les manœuvres brisées. Et Thor et Pen, de plus en plus envahis par ses idées farouches, ne trouvait pas encore digne de son désespoir cette bataille enragée qui durait déjà depuis 2 heures. Un accident en précipita l'issue fatale. Sous l'action d'une brise inégale et de la mer très creuse, les deux combattants, criblés d'avarie, fatiguaient beaucoup. Au moment où le cutter effectuait un nouveau virage de bord, un éclat de mitraille brisa la barre entre les mains de l'Antoc qui s'abattit sous le bloc. Le Penbaz tomba en travers, ne sentant plus le gouvernail et le gui de la grand voile, pivotant sur le mât comme sur un centre, balaya soudain tout l'arrière. La lourde pièce de bois démonta une caronade, jeta les servants à la mer, passa au-dessus de l'Antoc renversé et allait fracasser le crâne d'Alain Guisnou lorsque la main de Thor et Pen, le terrassant brusquement, le sauva d'une mort certaine. Se relevant d'un bond, le frère Dan n'eut que le temps de lancer un « Merci, cousin !» qui fit étinceler les yeux du corsaire, car au même moment, profitant du désarroi causé à bord du Penbaz par cet accident, les Anglais réussissaient enfin leur 6e tentative d'abordage et se jetaient en masse sur le pont du Cutter. Une mêlée s'engagea, atroce, désespérée. Le sabre au point Thor et Pen plongea au plus épais de l'ennemi. À ses côtés, meurtri de sa chute mais sans blessure, l'Antoc, les cheveux au vent, faisait tournoyer une lourde hache et 20 fois écarta de son commandant une baïonnette menaçante ou la gueule d'un pistolet. Postec manœuvrait en massue une barre d'anspec. Arrachant de son sabord inutile une caronade amorcée, Kéribin et les 3 Guisnous fauchèrent à bout portant d'un coup de mitraille un rang entier d'Anglais. Poulsic, Kerguelen, Tanguy se battaient 1 contre 4. Tout fut en vain. Le nombre devait l'emporter. Un à un, les Français tombaient. La voix du capitaine anglais cria « Prisonniers ! Prisonniers ! Rendez-vous !» Une balafre au front, un coup de baïonnette au bras gauche, Thor et Pen répondit « Jamais ! Comme la belle cordelière ! Tanguy, la soute aux poudres !» Tanguy voulut s'élancer pour exécuter l'ordre de suicide. Comme le vaisseau de la reine Anne, la reine aux sabots de bois, le filleul de reine aux sabots ne pouvait que périr en détruisant avec lui son ennemi acharné à sa perte. Mais les Anglais avaient compris. 10 hommes se jetèrent sur Tanguy. Les autres se ruèrent sur le dernier petit groupe de Français, Deux Anglais tombèrent encore sous la hache de Lantoc, mais Thorhépen s'abattit, étourdi par un coup de crosse à la tête, en murmurant « Anne, ma reine Anne !» Et quelques instants après, le pavillon français glissait de la corne du cutter vaincu, tandis que les 31 survivants, presque tous blessés, étaient transportés à bord du brick au secours duquel arrivaient, attirés par la canonnade, d'autres croiseurs anglais. Et les premières réparations de fortune faites d'urgence, une demi-heure après, sous bonne escorte, le brick remorquant le Penbase faisait route avec ses prisonniers sur Plymouth vers l'horreur des pontons.